papier. Je fais du trafic, style botanique, mais je suis gentil, j'aime les amis. Je capitalise avant que les affaires me grisent. Et il faut se méfier des entourpes du succès. Mais avec les plantes, il n'y a pas de risque de m'évanouir. J'ai la hantise des ennemis de la libre entreprise. J'ai du trafic, style botanique, mais je suis gentil, j'aime les amis. Mais je suis lentille, je le veux plus.